durablement vôtre pour un monde à la fois vivant, vivable et viable. Aujourd'hui, nous évoquerons les rapaces, en particulier les chouettes, et comment tout un chacun et les municipalités peuvent contribuer à leur sauvegarde. Nous sommes à Laleuf, une commune du Saintois, au sud du département de la Meurthe-et-Moselle, avec l'adjoint au maire, membre de la LPO. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Schumacher, bonjour. Bonjour Eric. Philippe Schumacher, avant de rentrer dans le vif du sujet, parler bien sûr d'oiseaux avec vous aujourd'hui, j'aimerais que vous nous plantiez le décor. Nous sommes ici à la mairie, mais... Nous sommes dans la commune de Laleuf. La commune de Laleuf regroupe trois hameaux, Souvrincourt, Velle et Pux où nous sommes. Pux où se trouve l'église, la place et puis la mairie et ce qui reste de l'école, puisque malheureusement il n'y a plus de classe, les enfants maintenant vont à l'école de Vézelise. Combien d'habitants aujourd'hui à Laleuf ? 300. Petite commune installée dans le Saintois. Oui, au milieu de la communauté de communes du pays du Saintois, c'est une des 55 communes de cette communauté de communes. Et c'est une région Lorraine encore plutôt verdoyante, essentiellement axée vers la polyculture élevage, ça imprime le paysage, ça, Philippe Schumacher. Oui, c'est vrai qu'on a encore dans le Saintois une polyculture, enfin bon, avec certaines réserves quand même, parce qu'on a quand même des endroits avec de nombreux hectares en monoculture, mais il y a encore de la polyculture avec de l'élevage, il reste des endroits boisés, c'est vrai que l'environnement est varié quand même, ce qui, au niveau de la présence animale et insectes et autres, est plutôt favorable. Alors justement, on va y venir. Vous, votre engagement particulier, Philippe Schumacher, c'est en faveur des rapaces nocturnes. Nocturnes parce qu'évidemment, ils vivent la nuit. Rapaces, en deux mots. Rapaces, ce sont des oiseaux qui sont en haut de la chaîne alimentaire et qui se nourrissent essentiellement de rongeurs, campagnols, mulots, souris. Et qui font ça la nuit. Mais il arrive qu'on les rencontre de jour, les chouettes effraies de temps en temps, et la chevêche, par contre, c'est très courant qu'on la voit dans la journée. Alors qu'est-ce qu'on trouve ici à Laleuf ? Alors j'imagine qu'elles ne sont pas à Laleuf parce que c'est Laleuf, j'imagine aussi que c'est parce que précisément elles trouvent de quoi vivre, et plutôt bien vivre. C'est le cas ici à Laleuf, Philippe Schumacher ? Ah oui, alors on a encore des vergers importants, donc c'est un habitat par exemple qui est très favorable aux chouettes chevêches. Alors on peut les voir de jour, puis on les entend crier la nuit, elles sont rarement discrètes, elles ont un cri assez strident, on les entend bien. Alors pour ma part, j'ai observé donc la chevêche, il y a un couple qui est pas loin de chez moi, un autre qui est sur Souvrincourt, la hulotte plus difficile, mais j'ai déjà observé dans mon jardin, mais elle on l'entend plus facilement, on la voit rarement, mais on l'entend, et la chouette effraie qui s'installe souvent dans les anciens bâtiments et qu'on peut voir facilement, qui elle est facilement reconnaissable puisqu'elle a la tête blanche en forme de cœur. La dame blanche. On l'appelle la dame blanche. Oui. Et c'est vrai qu'on la voit peut-être plus facilement, notamment dans les villages, d'abord chointée. Oui, elle souffle, elle a comme un souffle, c'est pas vraiment un cri. Oui. Vous évoquiez tout à l'heure, Philippe Schumacher, des chevêches, des chouettes chevêches sur la commune de Laleuf. Est-ce qu'on a une idée de la densité, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais le nombre d'animaux ou de couples que l'on pourrait ou devrait trouver sur un territoire comme Laleuf ? Alors non, j'ai pas de chiffres. Moi, au niveau de mes observations, je sais qu'il y a un couple, parce que je l'ai observé, sur Souvrincourt et un sur Velle. Maintenant, il y en a peut-être d'autres. Il y en a sur le Saintois, puisque régulièrement, il y a des repérages qui sont faits, notamment nocturnes. Il y a la nuit de la chouette, au mois de mars, où les gens vont écouter, provoquent aussi en envoyant des enregistrements d'oiseaux mâles pour voir si ça répond, puisqu'il y a des problèmes de territoire, et ça permet de faire un comptage. Et il y a également des gens qui régulièrement passent pour essayer de repérer les animaux, les nids, ou voir simplement les oiseaux. Alors, vous particulièrement, et personnellement, vous faites précisément ce type de reconnaissance, au-delà du contact visuel, au moment où on les voit. Il y a d'autres manières d'être certain de leur présence, que ce soit la chouette hulotte, la chouette chevêche, la chouette effraie. Oui, alors il y a ce qui reste, hein, ce qui reste lorsqu'ils ont mangé, et notamment chez les rapaces, c'est très caractéristique. Alors il n'y a pas que les rapaces, hein, les hérons en ont aussi, il y a d'autres oiseaux, mais ce sont ce qu'on appelle les pelotes de réjection. Alors les pelotes de réjection, c'est ce qui reste lorsqu'ils ont fini de digérer. Ils avalent tout cru, sans les mâcher, hein, les petits rongeurs qu'ils mangent, qu'ils attrapent. Et lors de la digestion, tout ce qui est viscères, muscles, etc. est digéré, mais pas les os ni les poils. Et se forme alors une petite boule qui regroupe les poils et les os et qui est rejetée par le bec quelques heures après par l'animal. Et donc il les rejette à l'endroit où ils sont perchés à ce moment-là. Et c'est là qu'on en retrouve. Et qu'on peut déterminer quel oiseau est là d'après la taille de la pelote, et puis quand on les ouvre, d'après son contenu. Et alors précisément, que mangent ces rapaces nocturnes, Philippe Schumacher ? Alors, un oiseau comme la chouette chevêche mange à peu près 50 kg de petits rongeurs, d'amphibiens, c'est plus rare, hein, des grenouilles, quelques oiseaux aussi, 50 kg par an. Et c'est considérable pour un peu, malgré tout, un oiseau de, bien sûr, c'est un des grands oiseaux de notre faune lorraine, mais ça, c'est considérable. C'est vrai que c'est un oiseau qui n'est pas très grand, hein, il fait à peu près 40 cm, il a une envergure aux alentours de 90 cm et pèse à peu près 400 grammes. Mais ce qui augmente aussi la consommation, c'est quand il y a des petits. Hein, ils ont généralement une moyenne de 3 petits, et là il faut fournir. Hein. C'est-à-dire, quand il y a des petits, ils en amènent beaucoup. Et il arrive aussi qu'il y ait deux couvées dans l'année s'il y a beaucoup de rongeurs disponibles. Et ça veut dire aussi, Philippe Schumacher, j'imagine que précisément lorsque l'on détruit les habitats de ces rongeurs ou que l'on traite les champs, par exemple, contre les insectes qui vont eux-mêmes impacter la présence de ces petits rongeurs, tout ça est un cycle. Ah ben bien sûr, oui. Dès l'instant où on touche à un élément de la chaîne alimentaire, celui qui trinque au final, c'est celui qui est tout en haut, et les chouettes en font partie, et les rapaces en général. Et l'homme est encore au-dessus. Et l'homme est encore au-dessus, mais là, il a du mal à s'en rendre compte, et il n'a pas vu que ça allait lui tomber dessus un de ces jours. On va sans doute y revenir, Philippe Schumacher. Est-ce que vous-même, vous avez observé, on en parle beaucoup aujourd'hui, de ce déclin des populations d'oiseaux, mais pas seulement, on parle aussi bien sûr de l'effondrement des populations d'insectes. Est-ce que vous l'observez ici, sur la commune de l'Alleuf ? Oui, par exemple avec les hirondelles. Cette année, c'est-à-dire que déjà elles sont revenues tard, plus tard que d'habitude. Hein. D'habitude, fin mars, début avril, on voit les premières hirondelles. Là, elles sont arrivées beaucoup plus tard et elles sont vraiment très peu nombreuses. Il suffit de lever les yeux et on n'en voit pas. Hein, il y en a quelques-unes qui volent là, mais elles sont très peu nombreuses. Moi, j'ai un couple dans ma grange qui est revenu. J'ai eu peur parce que j'ai cru qu'ils ne reviendraient pas, mais ils sont revenus, mais très tardivement. Et c'est particulièrement visible avec les hirondelles, dont certaines espèces, on estime qu'il y a 80% en 40 ans, 80% des effectifs qui ont disparu. C'est-à-dire que sur 10 hirondelles, il reste 2. Pour quelle raison ? Manque de nourriture, essentiellement. Hein, on évoquait tout à l'heure l'agriculture. L'emploi des pesticides fait qu'il n'y a plus d'insectes, ou très peu, et s'il n'y a pas de nourriture, les oiseaux en pâtissent immédiatement. Et avec les hirondelles, il y a le problème de la migration aussi. Dans les pays où ils vont, ils ne sont pas forcément toujours très bien accueillis, et pas forcément protégés. Et puis il y a les risques liés aux milliers de kilomètres qu'elles font à l'aller et au retour. Mais c'est principalement, je crois, un problème de nourriture et la disparition des insectes. Une étude l'année dernière de scientifiques allemands a montré, sur des réserves naturelles, hein, pas au milieu des champs, de monoculture, et pas en ville, hein, dans des espaces protégés, a montré que 80% des insectes volants avaient disparu en 30 ans. C'est énorme. Nos concitoyens s'imaginent souvent, Philippe Schumacher, que lorsqu'on parle de, par exemple, disparition des hirondelles ou raréfaction des hirondelles, bon, c'est un aspect passager, que ça peut peut-être revenir. Si on change nos pratiques, qu'on arrête de couper les haies, qu'on revienne vers une polyculture un peu plus raisonnable et pas ces grandes fermes telles qu'on les voit, oui, la nature finit toujours par reprendre le dessus, à condition qu'elle en ait encore les moyens. Il y a des endroits où malheureusement, c'est plus forcément le cas. Les pesticides, la disparition de haies, et puis il y a également d'autres facteurs de disparition et de déclin des oiseaux, Philippe Schumacher ? Oui, il y a les collisions, on parlait des oiseaux nocturnes tout à l'heure, il y a les collisions avec la circulation automobile par exemple. Hein. Lorsqu'une chouette croise une voiture, par exemple qui est en plein phare, elle va être éblouie et risque d'être attirée par cette lumière et il risque d'avoir collision. C'est une aussi des raisons. Alors, on est aussi ici à la LOLF avec vous, Philippe Chupacquin. Je rappelle que vous êtes également adjointe au maire parce que vous avez mené et vous menez des actions particulières, notamment sur le clocher de l'église. Alors, à notre mesure, hein, on a installé, c'est vrai, l'année dernière, en février 2017, on a installé un nichoir destiné aux chouettes effraies. Est-ce qu'il est possible, Philippe Schumacher, d'aller voir ce nichoir, s'il est accessible dans le clocher de l'église, sans trop prendre de risques, bien sûr? Alors, l'église est pas loin de la mairie, donc on peut y aller. Et l'accessibilité est tout à fait raisonnable, avec un escalier un peu pentu, un peu raide, pas très large, mais on y arrive facilement. Eh bien, allons-y. Il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens, l'existence. Il a demandé leur avis à des tas de gens ravis, ravis de donner leur avis sur la vie. Il a traversé les vapeurs des derviches tourneurs, des hachiches fumeurs. La vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis. L'espace qui passe entre la jet set, les faces, les palaces et puis les techniciens de surface. D'autres espèrent dans les clochers, les monastères, voir le vieux sergent Pépère, mais ce n'est que Richard Gere. Il est entré comme un insecte sur site internet, voir les gens des sectes. Et il a dit, la vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami. Ça nettoie les gens. Durablement vôtre, Eric Mutchler. Il a joué jeux interdits pour des amis endormis, la nostalgie. Et il a dit, ah, la vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis. Nous sommes toujours avec Philippe Schumacher, adjoint au maire de La Leuf, une petite commune, commune groupée, trois hameaux, vous nous l'expliquez tout à l'heure, Philippe Schumacher, à La Leuf, dans le Saint-Ois, c'est au sud du département de la Meurthe-et-Moselle. Et on est ici avec vous parce que vous êtes aussi très engagé au sein de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. On vient de franchir le portail de cette magnifique... alors pas l'église, puisque nous sommes encore dans la cour de l'église, où vous avez installé un nichoir à chouettes. J'aimerais quand même, là aussi, que vous nous expliquiez un peu où nous sommes, parce que c'est un endroit tout à fait charmant, Philippe Schumacher. Alors nous sommes au pied du clocher de l'église, hein. C'est une église romane qui date des 12e et 16e siècles, particulièrement remarquable, hein. C'est un bâtiment historique classé. Et le nichoir est installé donc dans le clocher à peu près à mi-hauteur, dans une des ouvertures, et où on voit un perchoir qui dépasse. Alors ça, c'est l'ouverture que l'on voit là sur le côté du clocher. Voilà, oui, et qui est orientée. Alors l'orientation a son importance aussi. Le nichoir est installé sur une ouverture qui est orientée au sud. Parce que si on l'avait mis sur la façade de l'église, c'est à l'ouest, et là en plein vent et à la pluie, et les oiseaux ne s'y seraient sûrement pas installés. Mmh. C'est une ouverture que vous avez fabriquée spécialement pour les chouettes ou qui était préexistant ? Non, je me suis servi d'une ouverture qui existait. Monument classé, on ne peut pas faire ce qu'on veut. En plus, vu l'épaisseur des murs, à l'endroit où est installé le nichoir, il y a plus de 70 cm d'épaisseur de mur. Alors, si ce nichoir n'était pas installé à cet endroit-là, les chouettes iraient, les chouettes effraies en l'occurrence, les dames blanches iraient où ? Alors, il y en a qui sont présentes dans le quartier, puisqu'un habitant du quartier m'a indiqué qu'il a envoyé le soir, et elles allaient au-dessus du, vous voyez, la petite ferme qui est là, mmh. Et au-dessus du portail de grange, il y a un œil de bœuf. Et j'en ai déjà vu en plein jour, j'ai déjà vu une chouette rentrer par là. Et dans la maison couverte de lierre, là aussi, au-dessus de la grange, la porte de grange, oui. Il y a un trou où apparemment elles allaient également. Et donc les chouettes effraies étaient présentes sur le secteur avant que j'installe le nichoir dans le clocher. Alors, vous évoquez à l'instant, Philippe Schumacher, les ouvertures que l'on voit souvent dans les portes de grange, c'est aussi souvent réservé aux hirondelles. Oui, ça permet aux hirondelles de rentrer. Et alors, ce sont les hirondelles de cheminée, maintenant que l'on appelle hirondelles rustiques, et qui nichent à l'intérieur des granges. Alors, c'est bien quand les granges sont encore ouvertes comme ça, parce que ça leur permet de rentrer. Mais malheureusement, nombre de personnes soit ont changé les portes de grange et il n'y a plus d'ouverture pour les hirondelles. On va laisser passer le tracteur, Philippe Schumacher. Il y a donc encore des paysans à la l'œuf, Philippe. Oui, il y a plusieurs exploitations, hein, c'est 5 ou 6 si je me souviens bien, des assez grosses exploitations autour de l'agriculture, de l'élevage pour la viande, pour le lait. Et il y a également une exploitation qui élève des animaux, lapins, volailles. Ceux-là même que l'on fustigeait tout à l'heure, parce qu'ils dépendent des pesticides. Mais oui. Évidemment, il n'y a pas forcément de coupables dans tout ça. C'est peut-être un vrai problème de société. Est-ce que l'on peut accéder à ce nichoir, Philippe Schumacher, aller voir de plus près sans déranger, bien sûr ? Ben oui, on va rentrer et puis on va monter dans le clocher. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Voilà, on vient de rentrer, on vient de passer le porche de cette magnifique petite église. Alors avant de gravir, j'imagine, Philippe Schumacher, que c'est l'escalier qu'on voit là à notre gauche, on a quand même poussé la porte de cette église qui est, vous disiez, du XIIe siècle. Vous disiez aussi avoir repéré peut-être des crottes de chauve-souris dans un angle. Oui. Alors je ne les ai malheureusement pas encore vues, je ne sais pas par où elles passent et où elles sont, mais il semble qu'il y ait eu une fréquentation de quelques chauves-souris dans l'église. Vous disiez aussi tout à l'heure, Philippe Schumacher, que la manie de grillager les clochers est évidemment préjudiciable aux rapaces. Oui, parce que les chouettes effraies étaient souvent dans les clochers d'église, hein. Et puis, bon, il y avait des années où elles n'y étaient pas, et des oiseaux comme les corbeaux ou les pigeons trouvaient l'endroit très bien à s'y installer. Et bien sûr, quand il y a des nuées de pigeons ou de corbeaux, ça fait des dégâts terribles dans les clochers. Et donc, les municipalités ont grillagé les accès des clochers. Et quasiment tous les clochers sont grillagés maintenant. Alors, malgré tout, la vie des chouettes, quelle qu'elle soit, du reste, même les hiboux, que les animaux soient nocturnes ou diurnes, de jour, a quand même heureusement beaucoup évolué. On ne trouve plus de chouettes clouées sur les portes de grange comme naguère, Philippe Schumacher. Oui, heureusement. Les opinions ont évolué. Les rapaces sont protégés en France, totalement protégés depuis 1972, c'est-à-dire qu'il est interdit de détruire les nids, de tuer les animaux, de prendre les petits, de prendre les œufs, de les transporter même morts. Et depuis donc maintenant un peu plus de 40 ans, on a senti quand même que cette protection était efficace parce qu'on revoit le long des routes, on revoit les buses, les bondrées, etc., les busards, les chouettes nocturnes. Et ça a été très utile. Et il y a eu derrière donc toute une comment on a convaincu les gens en leur montrant ce qu'elles mangeaient, tout simplement. Quoi. On a encore un peu ce problème avec les chauves-souris, hein, qui malheureusement, pour beaucoup, s'accrochent dans les cheveux. Et oui, bah, enfin, je crois que plus généralement, c'est les animaux qui vivent la nuit. Quoi. Mmh. Et les gens ont un peu peur parce qu'ils vivent la nuit, mais bon. On considérait souvent dans les campagnes ces animaux comme annonciateurs de la mort parce que, disait-on, lorsqu'il y avait effectivement un décès dans une famille, eh bien on veillait le mort toute la nuit, il y avait donc une lumière, et dans cette nuit noire, forcément, ces oiseaux étaient attirés par la lumière, d'où les légendes et les croyances. Et ça a eu longtemps la dent dure. Hein. Oui, parce qu'une chouette comme la chouette effraie était surnommée la Dame Blanche, donc un fantôme. Et en plus, elle a un cri qui est un peu spécial, hein, c'est un chouintement, un souffle, hein, qui peut être un peu impressionnant si on ne voit pas l'animal. Vous avez installé ici, sur l'église de la Loffe, un nichoir, mais vous n'êtes pas le seul à avoir eu cette démarche-là dans le Saint-Ouen, Philippe Jomacquer. Non, et pas seulement dans le Saint-Ouen, parce que des associations donc, comme la LPO ou l'ASPAS font tout un travail pour justement installer des nichoirs dans les clochers qui sont grillagés, et ça se développe dans toutes les régions de France. Et là, sur le Saint-Ouen, à ma connaissance, donc, il y a plusieurs nichoirs installés. Il y en a un à Gélocourt. Dans une grange, une grange qui était déjà visitée par des chouettes effraies, donc le nichoir a été très vite occupé. J'ai personnellement installé un nichoir dans mon grenier. Bon, elles ont mis 2 ans à le trouver, mais maintenant elles y sont et il y a une nichée tous les ans avec trois petits. Il y a également à Tramont-Émy, à une quinzaine de kilomètres d'ici, où il y a un nichoir qui est également occupé. Et par l'intermédiaire de la commission environnement de la communauté de communes, l'information a été passé à l'ensemble des maires des 55 communes. Alors, il y a eu quelques réponses, mais il y en a eu surtout une donc à Voinemont qui a répondu favorablement. Alors on est allé voir sur place où on pouvait l'installer. Alors le nichoir n'est pas installé dans l'église parce qu'avec la volée des cloches, c'était pas possible, il n'y avait pas la place. Mais il est installé au-dessus de l'école maternelle, dans le grenier de l'école maternelle où il y avait une petite ouverture et il y est depuis cet hiver. Comment est perçue votre démarche? Vous êtes adjoint au maire, je le disais, Philippe Jomacquer. Comment est perçue votre démarche par les habitants de la commune ici à la Loffe? Je pense que c'est perçu favorablement, hein, d'autant que là, bon, on installe un nichoir dans un clocher, ça dérange personne. En plus, les gens commencent à connaître un petit peu. Les gens qui habitent sur la place aussi m'en parlent de temps en temps. Hein, ça avance petit à petit. Il y en a encore qui sont un peu réticents, qui parfois nous traitent d'ornitho ou d'écolo, mais bon. On avance. D'autant que vous intervenez aussi dans le bulletin municipal de la LEF, Philippe Jomacquer, où vous expliquez précisément la biologie, la vie, le mode de vie de ces oiseaux. Et puis, on n'est pas obligé d'avoir un clocher, forcément, pour pouvoir installer chez soi de tels nichoirs. Et non. Alors, à chaque fois, dans le bulletin municipal, j'essaye de mettre quelques pages autour des animaux et surtout des oiseaux. Et donc, une des premières pages, ça a été d'indiquer les chouettes qui étaient visibles sur la commune, avec la présentation et les caractéristiques donc de la chouette effraie, de la chouette hulotte ou de la chevêche. J'ai également mis dans un autre bulletin des plans de nichoirs. Alors nichoirs de chouettes bien sûr, mais aussi des nichoirs plus destinés aux passereaux comme les mésanges. Et des habitants m'ont dit qu'ils en avaient fabriqué et installé. Bon, puis qu'ils étaient déçus parce qu'ils n'étaient pas occupés. Alors j'aurais dit, il faut le temps que les oiseaux les trouvent et c'est rarement la première année. Il faut parfois attendre 2 ou 3 ans avant que les oiseaux le trouvent, que ça leur plaise et qu'ils s'y installent. En tant qu'élu, Philippe Jomacquer, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que malgré tout, vos concitoyens considèrent la protection de la nature comme néanmoins moins importante que l'état des routes, par exemple? Est-ce qu'on a pris la vraie mesure de la situation? Alors, je ne crois pas qu'on a pris la vraie mesure de la situation. Les gens en sont conscients, hein, de plus en plus, mais les actes ont du mal à suivre. Hein. Pour quelle raison? Est-ce qu'il faut des incitations financières? Est-ce qu'il faut qu'ils soient touchés directement? Alors je ne sais pas de quelle manière, mais qu'ils soient touchés directement pour s'en rendre compte. Hein, quand ils voient par exemple qu'il n'y a plus d'hirondelle qui vient dans leur grange, par exemple, ou qu'ils voient les insectes aussi. Hein, moi, cette année, je suis un peu surpris par le faible nombre d'insectes que j'ai dans mon jardin. Et qu'on retrouve, et que d'ailleurs, on n'a plus sur les pare-brises, oui, de nos voitures. Avant, lorsqu'on faisait quelques kilomètres en voiture, il y avait plein de pare-brises, plein de calandres. Maintenant, on peut rouler et on n'a plus à nettoyer le pare-brise. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont on se rend compte. Et est-ce que les gens font le lien entre la disparition des insectes et des oiseaux en particulier, mais aussi des hérissons, les orvets, et le fait qu'aujourd'hui, eh bien, au premier rayon de soleil du printemps, on tond et on sort la tondeuse tous les 8 jours? Bah oui, bah les gens aiment bien que ce soit propre, entre guillemets, chez eux, et laissent rarement pousser l'herbe, hein, ou du moins s'ils tondent, ne laissent pas un espace libre où les herbes peuvent pousser complètement. Mais il y a quand même des actions, par exemple au niveau du département, on a des tondes tardives maintenant dans les fossés le long des routes, ce qui permet aux fleurs de fleurir, aux insectes de vivre un peu le long des routes. On va grimper dans le clocher, Philippe Schumacher ? On y va. Par les monts et les plaines traînant ses souliers, il chante tontaine le long des sentiers. Il va boire aux fontaines, s'endort dans les blés, beaucoup mieux que le prince dans son lit brodé. Qu'il fait bon sur la colline dormir tout là-haut, là-haut sur la colline aux oiseaux. Tra-la-la, on fait des rêves si beaux. Là-haut sur la tranquille colline aux oiseaux. Il connut bien des peines, fit mille métiers, car son pain tontaine, il faut le gagner. Pour bâtir pierre à pierre, tout là-haut perché, la plus douce chaumière dont il est rêvé. Qu'il fait bon sur la colline chanter tout là-haut, là-haut sur la colline aux oiseaux. Tra-la-la, qu'il fait bon vivre parmi les troupeaux, là-haut sur la tranquille colline aux oiseaux. Lorsque sa maisonnette sera terminée, il ira tontaine voir sa bien-aimée, lui dira: ma brunette, garde bien ses clés, voici notre domaine pour l'éternité. Il fait bon sur la colline dormir tout là-haut sur la colline aux oiseaux. Tra-la-la, je suis la belle qui viendra bientôt, là-haut sur la tranquille colline aux oiseaux. Tra-la-la, je suis la belle qui viendra bientôt, là-haut sur la tranquille colline. Voilà, nous sommes arrivés au presque sommet, non, c'est à peu près la moitié de ce clocher de l'église de l'Alleuf. Avec vous, Philippe Schumacher, vous êtes adjoint au maire, très impliqué à la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. Et on va découvrir donc ce fameux nichoir que vous avez installé. Mais alors, l'espace est assez exigu, hein, c'est un petit clocher, l'escalier est très raide. Il y a en face de ce nichoir, on va quand même dire deux mots, une drôle d'armoire. Oui, alors dans cette armoire, il y a l'ancien mécanisme qui commandait les cadrans des horloges, mmh, avec tous ses engrenages, ses contrepoids et son balancier. Hein. Voilà, une très belle œuvre, oui. Alors, qui a été installée, si on en croit la plaque qui est posée dessus, qui a été installée en 1891. Et on a à ce moment-là quels étaient les administrateurs de la commune, c'est-à-dire M. Convard, qui était le maire, et M. Collin, qui était son adjoint. Eh bien voilà, les maires aiment bien, hein, mettre leur plaque. Alors, vous auriez presque pu mettre la vôtre, Philippe Schumacher, sur cette autre armoire d'un effet très spécial, puisqu'il s'agit de ce fameux nichoir à ouais, chouette et frais. Alors, si vous regardez bien, sur le nichoir, il y a des initiales, mais il ne faudra pas le dire. Voilà. Alors, voilà, donc j'ai profité d'une ouverture qui donnait sur le sud, là, à travers le mur du clocher, pour installer une grande plaque de bois, et derrière, le nichoir. Alors, le nichoir fait à peu près 70-80 cm de large, une profondeur de 50-60 cm et une hauteur aux alentours aussi de 50-55 cm. Alors il est particulièrement bien fait, c'est vous qui l'avez usiné, fabriqué, Philippe? Voilà, oui, c'est moi qui l'ai fabriqué à partir de plans qui sont disponibles auprès d'associations de protection de la nature comme la LPO ou l'ASPAS, qui donnent des dimensions indicatives, hein, pour que... On est tout près des cloches. Juste en dessous, qui donnent... qui donne donc des dimensions indicatives. Et j'ai fait, en fonction du lieu aussi, parce que vous avez vu, pour monter, il y a un passage un peu délicat. Donc j'ai pris les mesures du nichoir en fonction du passage. Et alors dans ce nichoir, on a plusieurs ouvertures. Il y a d'abord un œilleton, où on glisse juste son œil pour ne pas déranger, voir s'il y a un oiseau à l'intérieur. On peut regarder, oui, allez-y. Alors c'est un peu comme un Judas. Hein. C'est un Judas de porte que j'ai installé. Un Judas de porte. Alors moi, je vois, évidemment c'est forcément déformé hein, par l'effet d'optique, mais je vois des, sans doute ce qui sont des pelotes de réjection, Philippe Schumacher. Alors on ouvrira, on regardera tout à l'heure, parce que moi quand je suis venu la dernière fois, il y a un peu plus d'un mois, il n'y avait rien dans le nichoir. Hein. Il a été installé il y a un peu plus d'un an, et il y a environ un mois, il n'y avait rien dans le nichoir. Alors ça, si vous avez vu quelque chose, c'est bon signe. Ça veut dire que lorsque, par exemple, un particulier pose ce genre de nichoir chez lui, selon les normes que vous avez indiquées, l'orientation, la taille, etc., ça ne veut pas forcément dire qu'il est occupé dans les jours ou les semaines qui viennent. Ah non, ça prend parfois du temps. Hein. Celui que j'ai installé chez moi, par exemple, il aura fallu plus de 2 ans pour le trouver, s'y installer et faire les nichées. Bon, maintenant, elles viennent régulièrement, mais il a fallu 2 ans pour qu'elles s'y installent. Alors, pour voir un petit peu mieux, si on est curieux, il y a une petite trappe sur le côté où il est marqué curieux, où là on peut entrouvrir et regarder. Parce que ce qu'il faut préciser aussi, Philippe Schumacher, c'est que d'abord c'est un meuble, c'est un beau meuble, mais c'est marqué dessus en plus, il y a des annotations, c'est marqué nichoir du clocher pour chouette et frais, ne pas ouvrir, février 2017, LPO. PS, ça j'ai bien compris, ce sont vos initiales, Philippe Schumacher, et puis alors cette petite trappe curieux, alors comme je suis curieux, si je ne dérange pas là, je n'ai que pas de déranger. Non. D'abord, il n'y a personne pour l'instant. Il n'y a personne à l'intérieur, donc c'est bon. Des indices de présence. Peut-être. Et je glisse un œil et je vois des branchages et je vois un œuf. Ah, alors ça, alors là vous me l'apprenez parce que je suis venu ce matin avant votre venue pour regarder. Alors j'ai bien vu que le nichoir était occupé, mais je n'ai pas vu l'œuf. Et oui, effectivement, il y a un œuf qui apparaît au milieu du nichoir, au milieu de la chambre, puisque c'est un 2 pièces cuisine au moins qui a. Donc là, ça veut dire qu'il y aura probablement, si tout va bien, des bébés chouettes dans quelques temps. S'il y a un œuf, là, donc ça veut dire que les animaux l'ont choisi pour leur nid. Donc il va se passer plusieurs jours, elles vont chaque jour amenant un œuf supplémentaire. Alors c'est jusqu'à 3 voire 5 œufs. Et après, il y aura la couvée et on aura les petits. Hein. Alors, on peut regarder, comme il n'y a pas d'animal à l'intérieur, elle doit passer sa journée à dormir dans une autre grange. Oui, parce que les parents ne dorment pas forcément avec leurs enfants. Voilà, quand les petits sont nés, généralement, les parents passent la journée à dormir ailleurs et laissent les petits... Comme quoi, les animaux sont parfois plus sages que les humains. Alors, on peut regarder un peu mieux, parce qu'il y a 2 grandes trappes qui permettent de nettoyer le nichoir. Oui, parce que c'est un appartement équipé. Voilà, oui. Et donc, effectivement, quand on ouvre la partie la plus grande, on voit tout au fond un œuf. Donc, ce qui est de très bon augure. Et le nid, donc, vous voyez, c'est tout simple. Hein. Là, les animaux ont amené quelques branchages. Et ce sont les chouettes elles-mêmes qui ramènent tous ces branchages, qui installent leur nid. Quoi. Voilà, mais c'est vraiment très sommaire. Mmh. Et au fil du temps, donc, il y aura une couverture de pelote de réjection qui sera peut-être un peu plus confortable. Le fait, là, par exemple, d'avoir ouvert, de jeter un œil, évidemment, on a posé les doigts nulle part, ça ne risque pas de les déranger, de les effrayer. Je ne pense pas. Le nichoir que j'ai chez moi, je l'ai déjà nettoyé à plusieurs reprises. Et même une fois, je pensais que l'oiseau n'était pas là, mais quand je me suis approché du nichoir, je l'ai entendu partir et je l'ai vu s'envoler. J'ai nettoyé le nichoir, ça ne les a pas empêchés de revenir. Là, il y a un œuf, donc je pense qu'elles reviendront. Donc maintenant, je vais être vigilant, je ne vais plus venir dans le clocher. Hein, pour ne pas les déranger, je surveillerai de l'extérieur, voir si on voit des allées et venues. Est-ce qu'il ne serait pas possible, Philippe Schumacher, d'installer, aujourd'hui, c'est avec technologiquement, ça ne va pas être très compliqué, une petite caméra toute discrète pour voir l'évolution. Ça se fait ailleurs, hein, sur des nids de bêtes. Oui, on pourrait. Il y a un problème de branchement, d'alimentation électrique, après de raccordement avec ordinateur et autres. Mais enfin, on pourrait par Wi-Fi ou par Bluetooth faire quelque chose. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Puis on va leur laisser leur intimité. Quoi. En même temps, est-ce que ce n'est pas aussi une manière pour les habitants de s'approprier affectivement et c'est peut-être pas un hasard d'ailleurs si ces oiseaux-là nichent dans des églises. Après tout, elles ont peut-être compris tout l'intérêt qu'elles ont à profiter d'un monument historique protégé en plus, comme elles. C'est surtout un endroit calme. un endroit où il n'y a personne, hein, sauf de temps en temps réparateur de l'horloge. Mais les clochers sont des endroits calmes et où elles ne sont pas dérangées, donc elles peuvent s'installer. Est-ce qu'on pourrait envisager, Philippe Schumacher, de, précisément, vous disiez tout à l'heure, avoir informé les maires des 55 communes du Saint-Ouen. Là, d'abord, c'est une bonne nouvelle. Voilà, il y a un œuf à la l'œuf. Facile, on dirait. Mais néanmoins, parce que ça reste impressionnant de se dire, tiens, voilà, on a un couple de chouettes effraies dans ce clocher. Précisément faire en sorte que on passe de ce statut de considération un peu évasive de l'intérêt de la nature pour la nature à quelque chose d'un peu plus sérieux, parce qu'il faut quand même rappeler, Philippe Schumacher, vous avez mis aux initiales, c'est votre fabrication bénévole, ça. Oui, fabrication bénévole, mais encouragée par la municipalité, parce que le matériel a été payé par la municipalité. Des choses. En même temps, on n'imagine pas, vous parliez tout à l'heure, tiens, précisément, lorsqu'on fauche les bas-côtés de route, les gens qui font ça, évidemment, heureusement d'ailleurs pour eux, sont payés. Mmh. Après tout, on paye pour un service qui entretient, soi-disant, la nature, évidemment, c'est pour de sécurité routière. Mais on fait des actions favorables pour la nature par des bénévoles. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui devra changer à terme, Philippe Schumacher ? Ah, il n'y a pas que du bénévolat, parce que vous avez tout ce qui est réserves naturelles, parcs nationaux. Vous avez plein de gens qui sont payés par les régions, l'État, et qui sont chargés de faire respecter... Ça reste quand même relativement dérisoire en termes de surface. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, puis c'est aussi l'action de chacun. Hein, dans son jardin, il installe un nichoir, et puis il fait son petit colibri dans son coin, et c'est par l'action de chacun que l'on arrivera à quelque chose de plus important. Elle vous plaît bien l'histoire du colibri ? Ah oui, oui, moi j'aime bien Pierre Rabhi et son action, et puis la légende du colibri, et chacun fait sa part, et si chacun fait sa part, comme on est nombreux, bah ça fera une belle réussite. Mmh. À condition d'être nombreux. À condition d'être nombreux. Parce qu'un colibri, même de bonne volonté, il n'arrivera à rien. Tout seul, il n'arrivera à rien. Durablement vôtre, Eric Mutchler. Philippe Schumacher, là, on parle évidemment beaucoup de la chouette effraie, puisqu'on est là devant leurs appartements. C'est un couple, hein, on a vu qu'il y avait un œuf, mais à la l'œuf, et ailleurs, évidemment, on trouve aussi d'autres rapaces nocturnes. Oui, alors je donnais tout à l'heure les tailles de la chouette effraie, hein, qui reste un petit oiseau, hein, 40 cm, une envergure de moins d'un mètre et environ 400 grammes. La hulotte, qui est la plus grosse des chouettes nocturnes, mesure à peu près 40 cm, a une envergure un peu plus grande, d'un mètre, 1,5 m, et pèse jusqu'à 600 grammes. Et celle-là est plutôt forestière, c'est un peu le cri emblématique, le ouhou, voilà, que, oui. Que l'on reconnaît. Mais de temps en temps, moi je l'ai surprise dans mon jardin une fois, mais bon, je l'ai vue trois fois, mais depuis je ne l'ai pas revue. C'est vrai qu'elle préfère les bois, et particulièrement les endroits où il y a des conifères, parce que ça lui permet de se cacher dans la journée. Et ça veut dire aussi que si vous les avez dans votre jardin, c'est que votre jardin est favorable à l'accueil. Ben, j'espère, oui. Il y a un certain nombre de nichoirs dans mon jardin. Et puis donc on a, pour terminer, les chouettes présentes sur le territoire, il y a la chevêche qui est beaucoup plus petite, appelée maintenant la chevêche d'Athéna. Donc elle ne fait qu'un peu plus de 20 cm, 23 cm environ, a une envergure d'environ 60 cm. Elle a un vol battu, elle ne plane pas, elle a des petites ailes, et elle pèse environ 200 grammes. Donc c'est vraiment un petit oiseau. Au printemps de ma vie, je quitte mon père. La ville attend les petits rats des champs. Une jolie fermière me dit, où vas-tu ? Monte derrière avec les laitues. Les pieds dans le ciel, chez les hirondelles. Nous filons doux et la route est à nous. Petit, la vie est belle à l'école buissonnière. Nous irons danser au bal des oiseaux près de la rivière. Les prés sont verts, quel âge as-tu, toi ? Morceau de pain, la campagne se prête à tout, mais la ville pas du tout. Nous irons danser au bal des oiseaux près de la rivière. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta oiseaux près de la rivière. Les pressions vertes, comment vas-tu toi? Des bagarres, je chante mes histoires, des trucs un peu noirs. Amour, je rentre tard, mais demain c'est dimanche. Nous irons danser au bal des oiseaux, près de la rivière, près de l'eau. Bacher, vous êtes adjoint au maire à la LEUF. On vient de voir toutes les actions que vous menez, notamment pour les chouettes et les chouettes effraies dans ce clocher de l'église de la LEUF. Mais adjoint au maire, c'est pas vraiment un métier. Non, c'est pas un métier. D'abord, c'est un mandat. On a été élu pour un certain nombre d'années, ici 6 ans pour les élections municipales. C'est plus un engagement, et puis on essaye de faire avancer les choses. Hein. Alors, dans les communes, bon, il y a la protection de la nature. On en a vu un petit aspect là. Mais c'est surtout des questions de distribution d'eau, d'assainissement, de voirie. De voisinage parfois. Sinon, auparavant, donc, avant d'être élu adjoint au maire, j'étais instituteur, directeur d'école. Hein. Mon dernier poste, c'était la direction de l'école élémentaire de Vézelise. Et par l'intermédiaire de mes fonctions pendant près de 40 ans, j'ai essayé de former un peu les élèves, comme c'est prévu dans les programmes officiels, hein, le respect du vivant, la biodiversité, etc. Et des nichoirs, bah, il m'est arrivé d'en installer, alors, suivant les postes où j'étais et quand ça s'y prêtait, et une école où j'étais à un moment, à Montenois, bah, on avait le jardin juste à côté de la classe et un arbre, et dans l'arbre, bah, l'hiver, on mettait une petite mangeoire, donc ils voyaient les oiseaux venir prendre les graines, et donc ça leur apprenait à différencier la mésange bleue, la mésange charbonnière, voire un chardonneret, les moineaux, hein, quelques oiseaux. Et après, je remplaçais la mangeoire, ou du moins, durant l'hiver, j'installais un nichoir juste à côté, et très vite, ben, les mésanges s'y sont installés, ils ont pu suivre ainsi, comme ça, derrière la fenêtre, le nourrissage des oiseaux. Alors, pas la sortie des oiseaux, parce que ça, c'est vraiment, faut vraiment tomber au bon moment. Mais ils ont vu le nourrissage, et c'était un des aspects du métier d'instituteur. Mais ça, ce que vous expliquez, Philippe Schumacher, ça va bien au-delà du programme de l'éducation nationale. D'où vous vient votre propre sensibilité à la nature? Ah, je ne sais pas. J'aime bien me promener, hein, dans les bois et autres. Donc j'ai fait pas mal de vélo. Je continue un peu en cyclotouriste. Hein. Et c'est vrai que quand on parcourt les petites routes, parce que quand on fait du vélo, on évite les grandes routes, on voit beaucoup de choses. Hein, et on est attiré, puis parfois il y a des animaux aussi qui passent à côté. Une fois, je me souviens, alors c'est vraiment très spécial, je me suis fait attaquer par une buse. Je suis passé le long d'un petit bois, et un oiseau est venu jusqu'à moi. Heureusement que j'avais le casque, parce que j'ai senti les serres sur le casque. Alors je me suis rendu compte après, il devait y avoir son nid qui était à proximité, et quand je suis passé, j'étais un intrus, on m'a foncé. Ça fait drôle quand même. Enfin, ça n'empêche pas de les protéger. Voilà, j'allais dire, oui. Alors, ce qui m'intéresserait de savoir, Philippe Schumacher, vous qui avez été instituteur, directeur d'école, on sent bien toute la passion que vous avez tenté de transmettre à vos élèves. Qu'en reste-t-il auprès de ces élèves, justement? Est-ce qu'ils perpétuent cette sensibilité? Est-ce qu'ils l'ont acquise? Est-ce qu'ils l'ont intégrée? Est-ce qu'ils sont aujourd'hui respectueux de votre enseignement? Alors, ils sont très réceptifs, parce que je me souviens avoir fait aussi les ouvertures de pelotes de réjection qu'on a vues, et quand ils découvrent, et au début ils pensent que ce sont des crottes par exemple, hein, et quand ils ouvrent et qu'ils découvrent à l'intérieur les os, qu'ils découvrent une tête d'oiseau ou les mâchoires d'une musaraigne, et puis qu'on essaye de reconstituer l'animal avec tous les os, les pattes, les ongles, etc., ils accrochent vraiment. Et dernièrement, alors là c'est parce que je deviens vieux, mais lorsque j'étais à Vézelise, j'ai une de mes anciennes élèves qui est venue inscrire son enfant. Et elle se souvenait d'une étude qu'on avait faite en classe, alors c'est quand j'étais à Brun-sur-Seille, Et on avait étudié les chrysopes. Les chrysopes, ce sont des petits insectes volants, qui se réfugient dans les maisons, qui sont verts, qui deviennent gris en hiver pour qu'on les voit pas trop. Voilà, et on les avait étudiés. Et elle m'a dit, je me souviens de ça. Et ça l'avait marqué. Mais ça, ce sont peut-être les élèves qui sont en primaire, mais plus tard, lorsqu'ils deviennent adultes. Alors, malheureusement, lorsqu'ils arrivent à l'adolescence, je crois que c'est l'environnement passe après toutes les... Tout l'environnement actuel autour d'eux, les téléphones portables, les magasins, tous les habits qu'il faut avoir. Donc ils oublient un peu ça. Et après, lorsqu'ils deviennent un petit peu plus vieux, qu'ils ont à leur tour des enfants, peut-être que ce qu'ils ont vu à l'école primaire leur revient et là deviennent un peu plus acteurs, ne serait-ce qu'en roulant moins vite sur la route pour éviter le renard qui traverse ou installer un nichoir dans son jardin. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Philippe Schumacher, adjoint au maire de l'Aleuf, membre très impliqué à la LPO, et puis on l'a vu donc actif aussi sur sa commune pour la protection des rapaces, notamment nocturnes, plutôt de nature coup de gueule ou plutôt coup de cœur? Alors bah il y a les deux, hein. Coup de gueule, il y a quelque chose qui m'énerve régulièrement lorsque je prends la voiture ou que je me promène à vélo sur les routes, ce sont tous les animaux morts que l'on remarque sur le bord des routes, que ce soit les renards, actuellement les renards et les blaireaux, c'est terrible, les hérissons, hein, les oiseaux également, des rapaces aussi lorsqu'ils sont éblouis par les phares la nuit. Il me semble que si les gens faisaient un peu attention, on devrait pouvoir éviter nombreux de ces... Il y a aussi le cas des amphibiens, des grenouilles, des crapauds, des salamandres qui traversent. Alors ça aussi, c'est un vrai problème. Mais alors là, les gens ont pris conscience. Et là, j'ai envie de dire, il y a de l'espoir. Parce que nombre d'endroits, il y a le vallon de Bellefontaine près de Champigneul. Il y a ici, à Vendée-les-Villes. Puis il y a plusieurs endroits, il y a à Moulaine aussi, si je me souviens bien, dans le Pays Haut, où on a des endroits où chaque année, il y a des migrations de crapauds, de grenouilles. De salamandres qui rejoignent les étangs. Et chaque année, c'était une hécatombe terrible, parce que lorsqu'ils traversent la nuit, ils se font écraser. Hein. Mmh. Et là, depuis quelques années, que ce soit le Conseil Général, par l'intermédiaire de la Cité des Paysages, à Sion, et c'était avant avec la Maison de l'Environnement à Vaudigny, installe des barrières à crapauds. Ce qui fait que lorsque les crapauds arrivent en bordure de route, ils butent contre cette barrière, ils l'allongent et finissent par tomber dans des seaux. Et chaque matin, chaque soir, des bénévoles viennent les ramasser, les comptent, hein, répertorient les espèces et les relâchent de l'autre côté de la route. Et là, c'est vrai qu'à ces endroits-là, il n'y a quasiment plus d'animaux écrasés. Je viens de noter, Philippe Schumacher, le mot de bénévole, une fois de plus. Oui, mais il arrive un moment, quand on a envie que ça bouge, il faut passer par le bénévolat, puis ensuite essayer de convaincre les élus. Alors, on a bien compris votre coup de gueule, mais ce sont peut-être parmi ceux que vous avez eus à l'école qui aujourd'hui jettent leurs bouteilles de plastique par la fenêtre. Allez savoir. Ah ben, c'est possible. Allez, on reste quand même sur notre positive. Votre coup de cœur, Philippe Schumacher. Il y a des choses qui avancent. Hein. On voit par exemple, si on prend les oiseaux toujours, les vautours par exemple avaient quasiment disparu de France. Il ne restait que quelques individus dans les Pyrénées. Par les efforts de réintroduction, comme dans le parc des Cévennes, dans la vallée de la Jonte ou la vallée du Tarn, les populations se sont reconstituées également dans la Drôme. Il y a de nombreux, près du Vercors, dans le col de l'Escrinet, il y a dans le col... le nom m'échappe, mais enfin, on compte actuellement près de 3000 couples de vautours en France, alors qu'il n'y en avait quasiment plus. Et là, les agriculteurs ont compris. Des départements comme l'Aveyron, par exemple, il n'y a plus d'écarissage. L'écarissage est naturel. Ils viennent déposer leurs brebis mortes sur des endroits réservés. Hein, charniers, oui. Des charniers sécurisés, parce qu'il y a des problèmes pour ne pas de polluer les nappes d'eau, par exemple. Hein. Et il n'y a plus d'écarissage. Ce sont les vautours qui s'en chargent. Hein, et ça marche bien. Alors ici, dans le Saintois, Philippe Schumacher, vous évoquiez les vautours dans le centre de la rue du sud de la France. Ici, c'est davantage le castor qui est de retour. Oui, alors le castor a été, deux couples, si je me souviens bien, ont été réintroduits du côté de Tonnoy, le long de la Moselle, il y a une vingtaine d'années, je crois, hein, alors j'ai plus les dates exactes, et petit à petit, ils ont colonisé la Moselle. Et petit à petit également, ils remontent les affluents de la Moselle. Et dernièrement, il y a quelques semaines, alors à Favières, un village proche de l'Aleuf, les gens qui gèrent la base de Favières où il y a des étangs, installe des pièges pour attraper les ragondins, qui est une espèce invasive et qui n'est pas de la région. Et ils ont attrapé un castor. Alors bien sûr, ils l'ont relâché, ils ont protégé les arbres alentours avec du grillage pour pas qu'ils les abîment, mais ça veut donc dire que petit à petit, les animaux, si on les laisse tranquilles, recolonisent les endroits où ils habitaient. Et ici, donc, il y a un castor qui est venu jusqu'à Favières. Et le village un petit peu en dessous, à Vitré, les habitants de Vitré m'ont dit qu'ils en avaient aperçu également. Donc ça, c'est encourageant. C'est plus compliqué en Lorraine actuellement pour le loup. Malheureusement, oui, on a un pauvre loup qui se promène dans la région, ici, hein, sur la Leuf, il a été repéré aussi, puisque quelques brebis sont mortes. Et là, malheureusement, on a un animal, voire deux, et puis la seule réponse qu'on a, c'est vouloir le tuer. C'est pas une réponse, la réponse, c'est comment on va vivre avec un loup, on doit pouvoir vivre avec. Hein. Si on assure la protection des troupeaux, on doit pouvoir y arriver. Merci Philippe Schumacher. Merci à vous d'être venu voir ce qui se passait dans les petits villages du Saintois. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Laleuf, une commune du Saintois au sud du département de la Meurthe-et-Moselle, très impliquée, on l'aura compris, dans la protection des oiseaux, notamment au sein de la LPO. Pour en savoir plus sur la protection des chouettes et des oiseaux en général, rendez-vous sur www.lpo.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre « La vie ne vaut rien » par Alain Souchon, paru sur l'album compilation Collection 1984-2001, sorti en 2001. « La colline aux oiseaux » par Lucienne Boyer, rien à voir avec celle créée à Caen sur une ancienne décharge et qui n'existait pas encore à la date de parution de cette chanson dans les années 50. Et enfin, « Le bal des oiseaux » par Thomas Fersen, paru sur l'album éponyme, sorti en 1993. À la technique et au montage, Véronique Olivier, vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.